Installez-vous confortablement sur une chaise ou sur un coussin à même le sol. Assurez-vous que votre colonne vertébrale soit bien droite. Posez vos mains sur vos cuisses et placez les paumes de vos mains vers vos cuisses. Fermez les yeux et déposez-vous confortablement installé sur votre bassin. Prenez conscience de votre corps, de la tête aux pieds, des pieds à la tête. Nous allons commencer par un exercice de respiration. À l'inspiration, portez votre attention sur votre coccyx. Visualisez que vous inspirez à travers votre colonne vertébrale, en partant du coccyx, en comptant de 1 à 5, jusqu'au sommet de votre tête. À l'expiration, partez du sommet de votre tête et redescendez en comptant de 1 à 5, en passant par le troisième œil, la gorge, le cœur, le nombril. Pour redescendre vers la base, entre les parties génitales et le rectum. Répétez cet exercice de respiration 9 fois. On inspire jusqu'au sommet de la tête et on expire en redescendant jusqu'à la base. On inspire. Et on expire. On expire. Et on expire. On expire. Et on expire. Et on expire. On expire. Et on expire. On expire. Et maintenant, reprenez votre respiration normale, sans effort et naturelle. Ressentez l'énergie qui circule en vous. Imaginez-vous dans un environnement lumineux, un environnement doré et ensoleillé, qui vous réchauffe et vous apaise. Asseyez-vous au pied d'une magnifique montagne devant vous, vous voyez un lac, un beau lac clair. Tout autour de vous, la verdure est riche et vous reconnaissez vos fleurs préférées. À présent, portez votre attention à nouveau sur votre coccyx. Imaginez que votre coccyx est une racine qui s'allonge à travers le sol et entre dans la terre pour venir s'attacher au centre de la terre. Sentez la force, la chaleur de la terre. Sentez sa stabilité qui vous supporte. Ressentez que la terre vous infuse de sa sécurité et vous nourrit de sa force, de sa chaleur et de sa stabilité. Sentez le calme s'installer en vous. Sentez la paix. Le calme et la paix. Le soleil vous réchauffe et vous êtes parfaitement confortable. Votre mental et votre système nerveux se renforce à chaque inspiration. Laissez aller les peurs et les insécurités à chaque expiration. Laissez s'installer le calme et cette paix intérieure chargée de force et de stabilité. Je vous invite à vous imaginer maintenant debout, sur vos deux pieds, ancrés dans le sol. Debout, vous vous sentez fort. Vous sentez la chaleur du soleil, l'ancrage, le support de la terre-mère. Vous sentez l'assurance en vous, le courage et votre énergie vitale qui augmente et qui nourrit votre système immunitaire. Nous allons chanter maintenant le mantra du plexus solaire, le son du centre énergétique situé à même votre nombril. Cette vibration se prononce RAM. Nous allons réciter cette vibration sept fois. On expire. On inspire par le nez. RAM. et sentez la force dans votre ventre, cette stabilité en vous, cet ancrage, cette force. Ces qualités font partie de vous maintenant. Je vous invite à vous rappeler, pendant les moments de déséquilibre ou d'insécurité, que ces qualités sont en vous et que vous pouvez réciter à voix basse cette vibration, le son RAM, dans ces moments-là. Ancrez-vous bien les deux pieds dans le sol. Branchez-vous à la terre et ressentez sa force et sa stabilité. Dans cet bel état, vous pouvez reprendre contact avec votre corps physique. Bougez vos doigts, vos orteils, vos pieds, vos mains, votre tête d'un côté et puis de l'autre. Bougez vos épaules. Étirez-vous maintenant. Inspirez et expirez, relâchez. Tout doucement, vous pouvez réouvrir les yeux et profiter de cette belle énergie et amenez-la dans votre journée. Namaste.